c'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature, le nez au vent. Mais maintenant, quel est le programme? Respirez à fond. Oxygénez-vous, profitez-en. Eh bien, moi, je plonge. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Je dois reconnaître que le jour où Lille n'a plus été qu'à une heure de train de Paris, Marseille à près de 3h30 ou encore Bordeaux à 2h, je me suis réjoui de voir ces villes se rapprocher, pouvoir m'y rendre plus rapidement, constituer une excellente nouvelle et j'en ai largement profité. Mais après avoir goûté au plaisir et aux facilités de la grande vitesse, ne faudrait-il pas se dépêcher de lever le pied et d'accélérer? Avons-nous vraiment toujours besoin de nous rendre à toute blinde là où nous allons, comme si nous vivions dans une perpétuelle urgence? Dans son dernier livre Slow Train aux éditions Artaud, la journaliste Juliette Labaronne nous invite à ralentir et à renouer avec les trains qui prennent le temps, partant du principe que le voyage n'est pas seulement la destination, mais le chemin qui y conduit. Elle nous suggère une trentaine d'échappées ferroviaires pour découvrir la France, loin de la cadence infernale des TGV. En voiture, s'il vous plaît, cet après-midi, nous partons sillonner nos régions avec Juliette Labaronne à bord de trains à très petite vitesse. Et en fin d'émission, nous retrouverons Pierre Josse, le rédacteur en chef du Guide du Routard, qui nous emmènera au Brésil. Voilà pour le programme de la deuxième partie de notre bivouac. Le train joyeux et puissant qui emporte le couple Dupont, 40 ans d'une vie active et honorable, vers les horizons méditerranéens, ne s'improvise pas. On n'improvise pas une espèce de cage à rêves aussi complexe. Le ménage Dupont s'installe. Lui, qui fume, a choisi un coin couloir. Comme ça, dit-il de temps en temps, je peux me dérouiller les jambes et voir un peu le paysage. Madame a son coin fenêtre, dans le sens de la marche, bien entendu. Madame Dupont somnolera doucement, et entre deux ondées de sommeil, elle ouvrira une espèce de drôle de petit roman, où il est question d'une jeune fille, qu'un baron décavé a réussi à séduire grâce à sa fine moustache et à son royal coursier. Bref, de braves gens, ces Dupont, et qui prennent rarement le train. Mais quand ils le prennent, c'est une espèce d'aventure. L'inimitable chroniqueur Frédéric Potcher décrivant un voyage en train en 1954. Notre façon de prendre le train a changé depuis, hein, Juliette Labaronne. Vous avez eu envie peut-être de renouer avec cette aventure qu'était de prendre le train il y a pas si longtemps que ça. Oui, c'est vrai. Dans mon livre, je parle des trains à l'ancienne, qui en fait ne sont pas toujours assez à l'ancienne, puisque maintenant il y a des voitures et des locomotives assez modernes, mais ils vont plus lentement que le TGV. En fait, moi, j'ai choisi de prendre des trains qui n'est hors TGV. C'était ça la distinction. Et donc, du coup, ils empruntent effectivement des lignes assez anciennes qu'on avait parfois oubliées. C'est vrai que le TGV aujourd'hui s'apparente de plus en plus à l'aérien, reprend les codes de l'aviation, de la rapidité. Et pour moi, quand on a le temps, quand on peut prendre le luxe du temps, Ah, il y a votre micro qui perd un petit peu de... Allez-y. Oui, c'est peut-être utile de se questionner. Est-ce que je prends le TGV ou est-ce que je prends un autre train? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre, Juliette Labaronne? Alors, c'est une aventure très personnelle, hein. C'est parti d'une envie que j'avais. C'est vrai que j'ai toujours aimé voyager en train. Ça a toujours été quelque chose que j'ai apprécié. Je n'ai pas de voiture, donc je cherche toujours des moyens de transport différents. Je sais conduire, je peux louer une voiture, mais quand je peux m'en passer, je le fais. Et puis j'ai eu l'occasion de collaborer en tant que prestataire pour la SNCF pendant plusieurs années, et donc de plonger véritablement dans un univers ferroviaire que je ne connaissais pas de l'intérieur, et d'entendre les meilleurs ambassadeurs, ceux qui connaissent le mieux, à savoir les cheminots, sous le manteau un petit peu, se discuter, t'as fait cette ligne, celle-là, et je découvrais des noms de trains très poétiques dont j'avais jamais entendu parler. Je me suis piquée au jeu et j'ai commencé à en faire une ligne, puis une deuxième, et puis l'idée du livre est arrivée comme ça. Que vous avez donc baptisé les Slow Trains, c'est en référence à quoi ce Slow Train? Alors, ce titre anglais, c'est un anglicisme que j'assume, parce qu'il y a vraiment une double référence. La première, elle est assez littéraire, en fait. Elle vient des romans de la Beat Generation, notamment de Jack Kerouac en tête, que j'ai eu l'occasion de lire parfois dans une version originale. Dans son livre sur la route, il emprunte beaucoup le train. Moi, ça m'a fait énormément rêver adolescente. Avec les fameux clochards célestes clochards célestes. Qui prennent le train de train en en train. C'est on avait ça. Fait il y a quelques années et une émission anglais. sur ouais. Jack Kerouac. Tout à fait. Et ça fait vraiment partie de son livre, de ses livres. Et donc, en anglais, les trains qu'il prend sont des slow trains. En américain, ce sont des trains de marchandises qu'il prenait clandestinement. Bon, je n'engage personne à le faire. Et parfois, sans même connaître la destination finale. Donc, il y avait cette idée de pérégrination. Et puis, la deuxième référence, c'est, je voulais inscrire ce livre, en fait, dans le mouvement du slow travel, qui est né en même temps que les nouvelles technologies très rapides sont arrivées, finalement, comme si l'homme avait besoin de faire un peu pause. Mmh. Et l'idée, voilà, elle était de voyager autrement, sans tout trop prévoir, en acceptant les aléas aussi. Ouais. C'est important d'accepter les aléas, hein, parce que vous le dites, ils ne sont pas toujours à l'heure, ces trains, ils ne sont pas toujours connectés, le réseau n'est pas toujours là, enfin voilà, c'est aussi une autre façon de voyager. Ça fait du bien aussi, hein, parfois, de se couper de tout ça. Ah ben, ça peut être un vrai luxe, hein, de se dire que je rentre dans un train 5 heures et là, je lâche mon smartphone, finalement, on retrouve du temps pour soi, une vraie liberté. Non, mais après, pour avoir aussi pris le TGV, continuer à le prendre, il y a une idée un petit peu fausse sur les retards de ces petits trains. Finalement, ils sont parfois beaucoup plus à l'heure que des grosses machines comme le TGV où un petit grain de sable peut enrayer la machine. Une des lignes qui illustre très bien ce que vous entendez par slow train, c'est la ligne qui traverse les Cévennes, qui relie Clermont-Ferrand à Nîmes en 5 heures en faisant une vingtaine d'arrêts. Un petit aperçu du paysage. Alors, tout d'abord, au début du parcours, les passagers peuvent découvrir une partie plus habitée avec des villages perchés, des abbayes, des églises, des anciens châteaux. Et puis ensuite, eh bien, on découvre des parties plus sauvages qui sont peuplées seulement par les rapaces. On découvre la faune, la flore sauvage et donc l'Allier qui est donc surplombé par des falaises assez impressionnantes. Un reportage diffusé sur Arte en 2012. Ce train, je crois, Juliette Labaronne, est l'un de vos préférés, une de vos lignes préférées. Pour quelle raison ? Alors c'est vrai qu'elle m'a totalement enthousiasmée. Déjà, elle traverse presque la moitié de la France en partant de Clermont-Ferrand, en descendant jusqu'à Nîmes. Donc on part finalement d'une zone très montagneuse en arrivant dans les plaines de la Camargue. Si elle m'a beaucoup plu aussi, c'est parce que finalement elle nous extirpe du monde de l'homme. C'est assez étonnant. À part les rails et le fait qu'on soit dans un train, on est finalement protégé puisqu'à l'intérieur d'un train. Et en même temps, en pleine nature, c'est une ligne qui, par la difficulté en fait qu'il y a eu à la construire, finalement, aucune route de voiture n'a été construite à côté, à pas mal d'endroits. Donc, on quitte la civilisation. Et on traverse comme ça des paysages assez vierges hein, de toute civilisation. Donc, effectivement, c'est agréable. Puis, on a le temps de les voir passer parce que le train met 5 heures. On s'arrête une vingtaine de fois tout au long de cette ligne avec des escales qui valent le coup de descendre. Parfois. Oui. Alors, on peut faire le choix de monter à bord et finalement d'être en mode cinémascope et de descendre jusqu'à Nîmes. Après, on a une multitude d'arrêts Brioude, Langeac, Alérast, Chaporoux, Langogne, Villefort. On peut pratiquer tout un tas d'activités. On peut en fait dimensionner ce voyage en fonction du temps qu'on a ou qu'on s'est octroyé. Mmh. On peut le faire en une journée, donc tout d'un coup. Et puis, on peut choisir d'y passer 15 jours en s'arrêtant. Donc, on peut faire du canoë, on peut randonnée, il y a les chemins de Stevenson qui a d'ailleurs écrit sur cette région Voyage dans les Cévennes. Avec son âne, il a traversé avec son âne, la région donc, avec son âne. On est exactement dans cet endroit-là. D'ailleurs, je propose dans le livre, peut-être si on veut, 5 heures, un podcast, se faire lire finalement ce récit de voyage. Donc après, à chacun de façonner son voyage, on y mange bien, il y a des bons marchés, on peut aussi s'y relaxer, se mettre dans un petit gîte, c'est des régions très accueillantes. La particularité de cette ligne Cévenol, c'est qu'on peut l'emprunter pour 1 euro. Oui, alors, sauf si les tarifications SNCF ont encore changé, donc je mets une réserve. Mais il y a pas mal de bons plans à récupérer sur ces trains régionaux que nous propose absolument pas d'ailleurs l'application de vente SNCF. Vous ne les trouverez pas sur cette application-là. En fait, il faut se rendre sur les sites TER des régions qui font des promotions très régulièrement en fonction de la politique qu'il y a vis-à-vis du ferroviaire. Mmh. Et vous pouvez pouvait effectivement, l'été dernier, il y avait un trajet 1 euro. Ouais. Et je crois qu'il a été réédité pour cet été également. Avec la petite subtilité qu'il fallait prendre jusqu'au bout, hein, je crois, parce que comme l'Auvergne ne finançait pas ce trajet-là, il faut prendre jusqu'en Occitanie, même si on ne va pas jusqu'au bout. Alors, c'est vraiment parfois, il y a des absurdités totales dans les tarifications. Il faut savoir que les trains régionaux sont financés par les régions, par les conseils régionaux. Il y a des politiques, comme je le disais, en faveur du ferroviaire qui sont très différentes. La région Auvergne-Rhône-Alpes ne s'illustre pas particulièrement sur et pas spécialement pro-ferroviaire, alors que la région Occitanie est absolument en fer de lance sur le ferroviaire. Donc, vous avez des tarifications qui vont être beaucoup plus populaires, beaucoup plus accessibles dans certaines régions que dans d'autres. Alors, dans votre livre, vous vous intéressez aussi à ces lignes, à leur histoire, et elles ont été construites, certaines au début du XXe siècle, même parfois un peu avant, et ça constitue un véritable tour de force. Et en l'occurrence, pour cette ligne-là, on passe par des viaducs, on passe par des constructions qui sont sublimes, qui donnent l'impression comme ça de surplomber parfois les paysages. Oui, effectivement. Alors même, je dirais, celle-là, c'est 19e siècle. Hein. Ouais. La plupart de ces lignes, en fait, ont été construites à partir du milieu du 19e siècle. Et en 50 ans, à peu près, c'était le plan Freycinet qui était le ministre des Travaux publics à l'époque, sous Napoléon III. Et en 50 ans, on a eu comme ça 150 lignes qui ont couvert notre territoire. Donc imaginez la frénésie. Alors celle-là a été particulièrement retors. Ouais. Parce que configuration géographique oblige, on est quand même sur des montagnes d'Auvergne, donc avec des pierres extrêmement volcanique, extrêmement dur. Donc imaginez, des hommes avec très peu de moyens à l'époque, à part un peu de dynamite et beaucoup d'huile de coude, sont venus. Donc 6000 hommes, hein, il a fallu 6000 hommes, beaucoup d'Italiens spécialistes pour percer des tunnels. Non seulement il a fallu faire des viaducs, mais il a aussi fallu percer des tunnels. Une centaine de tunnels, rien que sur cette ligne. Imaginez, enfin moi, c'est quelque chose qui me fascine complètement. On s'est dit tout simplement, des ingénieurs se sont dit, Paris-Marseille, on va aller au plus court chemin. Donc ils ont tracé une ligne et puis ils se sont dit les gorges de l'Allier. Sauf que le train il peut pas monter, c'est pas un moyen de transport qui peut avaler des dénivelés incroyables. Donc il a fallu percer donc une centaine de tunnels, des viaducs. Et c'est vrai qu'on oublie parfois, mais la plupart de nos lignes de chemin de fer ont été construites aussi grâce à l'apport d'ouvriers étrangers européens. C'est les Anglais qui ont inventé le rail. Les Italiens étaient les spécialistes du perçage de tunnels de ce que j'ai pu comprendre et lire en faisant des recherches, parce que eux-mêmes avaient des trains dans les Alpes et voilà, ils avaient acquis un savoir-faire. Alors si vous nous avez convaincus d'emprunter cette ligne, hein, on l'a vu, il y a des paysages, il y a une histoire à raconter et puis il y a aussi à se régaler, surtout si le billet a coûté 1 euro, il nous reste quelques euros pour acheter 2-3 bricoles à grignoter. Et là, dans votre livre, à chaque fois, vous avez une rubrique Buffet de la gare et on se régale avec les spécialités locales. En l'occurrence, pour ce train Cévenol, qu'est-ce que vous nous conseillez ? C'est du montagnard, c'est de la Cévenne, donc vous baladez, vous allez sur un marché, il y a des fromages locaux, donc les l'Aïole, Pélardon, si vous aimez les fromages qui piquent un petit peu. Il y a aussi du miel, le miel de sapin qui est fameux des terrines, des conserves, on peut tout un tas de charcuterie, c'est vrai que dans le livre en fait la France ayant quand même énormément de terroirs pour les gourmands, c'est un peu le paradis et chaque région a du caractère et des bonnes choses à manger. Donc l'idée c'était de proposer des choses qu'on puisse emporter à bord. Si on fait une halte, hop, on se fait un petit sandwich ou quelque chose à emporter. Vous nous avez mis l'eau à la bouche avec ce premier slow train. Nous allons prendre le temps de découvrir avec vous quelques-unes de ces lignes de train qui permettent de découvrir ou redécouvrir les régions de France autrement. Le temps d'un bivouac ferroviaire à travers nos régions avec Juliette Labaronne. Vous êtes libre de tous vos soucis. Vous ne pensez plus à rien. Et vous prenez ce train avec nous. Nous vous offrons un interlude à l'intérieur de votre cœur. Mesdames, messieurs, dans quelques instants, nous arriverons en gare de Calais-Fréthun. Calais-Fréthun, 8 minutes d'arrêt. Ne tentez en aucun cas de descendre lorsque le train est en mouvement. Le temps d'un bivouac, Daniel Fiévé, sur France Inter. J'ai pris le train pour aller à Saint-Tropez. Et dans mon wagon-lit, dès que je suis arrivé, j'ai voulu monter mes valises dans le filet. J'ai tout pris sur la gueule parce que le train démarrait. Oh, oh, oh. SNCF. Sur la couchette du dessus, un type s'est mis à gueuler. Et tout en m'engueulant, brusquement, il s'est penché. Je voulais lui dire attention, vous allez tomber. Il fait un vol plané par terre, s'écrase le nez. Oh oh oh oh oh SNCF. À l'heure du dîner, je vais au wagon restaurant. Je me dis, je vais me régaler, je vais m'enfourrer jusqu'au temps. Et la soupe arrive en pleine gueule instantanément. Oh oh oh oh oh oh oh. SNCF. Avant de me coucher dans le couloir, je vais fumer. Et voilà que ça mène une très jolie poupée. Et bien toute la nuit, j'ai tenté de l'embrasser. Mais avec les carreaux, j'ai jamais pu y arriver. C'était Henri Salvador et son twist SNCF dans le temps d'un bivouac. À travers la montagne, il trace son sillon. Souple et élancé, le train des hirondelles est un des trésors du Jura. On arrive sortie de courbe et là tout de suite il y a le viaduc. Donc ça peut donner le vertige. À certains moments, à une certaine hauteur, on tutoie les hirondelles. Souvent, les gens nous disent qu'on a l'impression d'être en avion. Sur la ligne des hirondelles, se croisent des montagnards d'ici et d'ailleurs. Bienvenue à bord du TER 895 508 à destination d'Andelot. Ce TER desservira les gares de Morée, Morbier, Saint-Laurent, La Chaumusse. Derrière les vitres du TER, c'est l'histoire du Jura qui défile. Sa forêt nourricière, ses anciennes forges, ses maisons paysannes. 120 km de Dole à Saint-Claude, 36 tunnels, 21 viaducs, entre 300 et 950 mètres d'altitude. Les hirondelles. On raconte que les Jurassiens surnommaient ainsi les ouvriers qui travaillaient sur la ligne à la fin du 19e siècle. Un nom poétique pour une ligne de légende. Un reportage diffusé sur France 24 en 2017 sur la ligne des hirondelles. Nous sommes toujours avec Juliette Labaronne, auteure de Slow Train aux éditions Artaud. La ligne hirondelle est l'une des très belles lignes que vous avez empruntées. Elle se situe dans le Jura. Quel parcours suit-elle exactement? Alors on peut la prendre à partir de Dole et puis descendre jusqu'à Saint-Claude en passant par Arquet-Senans, Champagnole, Morbier et Morey. Donc c'est entre ces deux villes qu'il y a cette partie extrêmement vertigineuse dont on parlait dans ce qu'on vient d'entendre. Ouais, alors décrivez-nous un peu plus précisément ces paysages que l'on traverse et qui ont l'air sublimes. Alors, quand on part de Dole, on commence par traverser une grande forêt, l'une des plus grandes forêts de feuillus en France. Et puis progressivement, en fait, on va monter en altitude. On va pouvoir d'ailleurs s'arrêter pour, en toute saison d'ailleurs, pratiquer différents sports. Puisque dans mon livre, c'est vrai que j'engage aussi à bouger un petit peu, à prendre l'air. Oui, c'est ça. Hein, c'est aussi un guide qui donne des conseils où s'arrêter. Souvent, vous conseillez d'emporter le vélo parce que ce sont des trains qui permettent d'embarquer le vélo à bord. Et ça permet d'aller un peu excursionner. C'est vrai que le train a un énorme atout, c'est qu'on n'a pas de boucle à faire. On peut partir d'une gare et arriver et reprendre la ligne un peu plus loin en ayant cheminé comme on aime entre les deux, quoi. Donc oui, l'hiver on peut faire de la raquette quand on est sur les hauteurs vers Saint-Laurent en Grand-Vaux. On peut aussi retrouver les sentiers, les chemins de grande randonnée du Jura, puisqu'en fait la ligne suit le parc régional du Jura et on le traverse en fait du nord au sud. Donc il y a plein de dans le Jura il y a plein de chemins de grande randonnée pour les vélos, à pied, en raquette même l'hiver, qu'on peut retrouver en descendant depuis des gares. Et là encore, cette ligne a une histoire évidemment et historiquement, ce sont des industriels de la région du Jura qui ont poussé, qui ont financé la construction de cette ligne. Alors encore une fois, depuis notre 21e siècle, ces histoires paraissent assez folles. Mais c'est vrai que le Jura a vécu un énorme boom économique au 19e siècle. Bon, les spécialités, c'était notamment l'horlogerie, la taille de pierres précieuses, le bois, les lunettes, la fabrication de lunettes. Donc il y avait beaucoup de fabriques en fait, mais pour qu'elle puisse grandir encore, il fallait qu'elle puisse que la marchandise puisse aller dans les villes là où il y avait être exportée en quelque sorte. Et il y avait aucune voie de communication rapide dans le Jura à cette époque. Donc tout comme en Champagne d'ailleurs où il y a une histoire un petit peu similaire pour exporter le vin de Champagne, mmh. Ce sont les industriels qui se sont mobilisés, qui ont pesé tout leur poids sur les politiques de l'époque et qui ont même mis la main au porte-monnaie pour que ces lignes soient bâties et qu'ils puissent profiter du boom économique que le en frais. Et là encore, il faut se resituer. Hein. On est en 1860-65 et il a fallu faire face à des difficultés techniques pour construire ce train une fois de plus. Encore une fois, c'est-à-dire que le train n'est pas un moyen de transport qui avale les pentes. Mais je ne sais pas pourquoi, en France, on s'est arc-bouté à vouloir en construire des lignes en pleine montagne. Donc je pense que c'était une époque, la révolution industrielle, où l'homme voulait vraiment montrer qu'il était plus fort que la nature. Et il a d'ailleurs réussi à pas mal d'égards. Mais donc effectivement, les spécialistes, moi je suis pas une spécialiste du ferroviaire, mais au-delà d'un certain dénivelé, c'est pas possible. Le train ne pourra pas monter. Donc du coup, la technique, c'est de faire des zigzags, de marcher, de faire des lacets en fait dans la montagne. Et donc effectivement, entre Moret et Morbier, il me semble qu'il y a, il y a un kilomètre, mais il va y avoir 5 kilomètres de voie, puisque le train va zigzaguer. Donc ça, c'est un exemple de comment l'homme a réussi à franchir cet obstacle. Alors cette ligne, on le comprend, a représenté des défis techniques. Elle a été très utile. Aujourd'hui, est-ce qu'elle est menacée ? Alors, très clairement, la ligne aujourd'hui semble peu fréquentée. Et surtout, pour qu'elle soit plus fréquentée, il faudrait qu'il y ait davantage de trains. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un train qui s'apparente à qui n'est pas considéré comme un train touristique officiellement. Mais honnêtement, vu la fréquence des trains, il n'y en a que quelques-uns par jour, 3 directs par jour selon les périodes. Si vous voulez aller travailler ou aller au lycée avec, ça peut être un petit peu compliqué. D'ailleurs, localement, beaucoup de gens le regrettent. Donc, c'est souvent le cas, d'ailleurs. Ces trains locaux sont souvent regrettés par les riverains qui aimeraient en avoir plus. C'est-à-dire qu'en fait, on demande aux gens de faire des efforts et de laisser la voiture au garage. Voilà. D'ailleurs, c'est une des dimensions de mon livre, je tiens à le dire. Effectivement, pouvoir se déplacer, qui plus est, pour des loisirs, en essayant d'émettre le moins possible de carbone dans l'atmosphère. Mais voilà, les gens qui habitent dans ces régions-là, on leur demande de faire des efforts, mais en même temps... On leur donne pas d'alternatives. Voilà, les alternatives sont faibles. Certaines lignes sont menacées, mais il y a des raisons d'espérer, puisque d'autres, c'est rare, mais d'autres renaissent. 30 km/h, le TER Aquitaine, parti de Bedouce, arrive sur le passage à niveau de l'Urbe Saint-Christot. Depuis le début de la semaine, la SNCF est entrée dans une phase de test sur la ligne Oloron-Bedouce. L'ouverture commerciale est annoncée pour le 26 juin. 3 allers-retours dans la journée, le dernier se fait à la vitesse d'exploitation environ 80 km/h. 29 minutes pour faire Oloron-Bedouce et 3 arrêts à Bidos, l'Urbe Saint-Christot et Sarrens. Cette ligne était fermée depuis 40 ans et dans l'avenir pourrait aller jusqu'à Canfranc. La Vallée d'Aspe a retrouvé son train 40 ans après. Les premiers voyageurs sont attendus à partir du 26 juin. Nous étions donc en 2016, extrait d'un reportage de France 3 avec la réouverture de cette ligne qui était restée fermée pendant 40 ans. Et c'est justement en regardant ce reportage ou l'un de ces reportages que vous avez eu envie d'aller voir de plus près cette ligne qui réouvrait, Juliette Labaronne. C'est-à-dire à l'époque je travaillais donc pour la SNCF, donc j'avais suivi ça et c'est vrai que ça avait piqué ma curiosité. Donc quand j'ai préparé le livre, j'ai fait le déplacement, j'ai été voir. sur place. Donc effectivement, bon, déjà c'est une ligne magnifique, elle s'enfonce dans une vallée, la vallée d'Aspe, qui est voisine de celle d'Ossau, qui est en général plus connue. Elle débouche en plus, elle avait tout pour me plaire, parce qu'en plus elle débouche in fine sur une gare fantôme exceptionnelle, dont on pourra peut-être parler un petit peu après, mais sur la réouverture, effectivement, il y a un tronçon. En fait, au départ, cette ligne, quand elle a été inaugurée au 19e siècle, elle s'appelait la ligne Goya, et elle reliait Pau à Saragosse. L'idée était d'avoir une voie ferroviaire au milieu des Pyrénées. Voilà, il y en avait une à l'ouest, une à l'est, et c'était celle-là. Et effectivement, du côté espagnol, ça continue, ça fonctionne jusqu'à Canfranc. Côté français, il y a eu un accident, et puis on a préféré la route au rail, donc on a percé un tunnel sur le col, et maintenant c'est vrai que localement, ils ont réouvert un des tronçons de la ligne, peut-être baisser un petit peu le trafic des camions qui est très polluant dans les vallées, et essayer de donner un coup de pouce pour que les derniers kilomètres soient mis en service. Alors il y a beaucoup de choses à voir tout au long de cette voie ferrée, et puis il y a cette gare dont vous parliez, la gare de Bedoux, qui vaut le détour apparemment. C'est vrai que c'est assez étonnant, cette gare gigantesque. Alors, ce n'est pas la gare de Bedous, c'est la gare de Canfranc. Pour comprendre bien, en gros, on a rouvert un tronçon de 30 km qui va jusqu'à Bedous. Initialement, de Bedous à Canfranc, ça existait, ça n'a toujours pas été rouvert. Donc, la moitié, en fait, a été réouverte, et ça reste un cul-de-sac. Donc, maintenant, on doit prendre un bus pour aller jusqu'à Canfranc. Bon, ce que j'ai fait. Hein. Ouais. Et donc, on arrive dans un col, au milieu des Pyrénées. Bon, en plus, moi, j'ai eu une chance incroyable. Il y avait de la neige ce jour-là, c'était au mois de février. Et là, vous avez une gare d'Orsay posée en pleine montagne. Mais vraiment, c'est extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette gare ? En fait, au départ, c'était une gare internationale. Quand la ligne dont je parlais, la ligne Goya qui reliait Pau à Saragosse, existait, c'était la gare frontière. Et pourquoi, en fait, sur la frontière franco-espagnole, il y a des gares comme ça très importantes ? C'est parce que l'écartement ferroviaire n'est pas le même en Espagne et en France. Donc, il fallait des gares où, en fait, on transbordait passagers et marchandises. Et du coup, voilà, c'était un poste frontière. Donc, on avait construit, on avait vu les choses en très grand. C'était aussi pour montrer l'amitié franco-espagnole, la foi en l'avenir. Malheureusement, cette gare a eu un destin extrêmement sombre, puisque la guerre d'Espagne a éclaté en fait quelques décennies après son inauguration, puis la Seconde Guerre mondiale, et au cours de ces deux guerres, le trafic a été interrompu. Et puis, dans les années 1970, ce train de marchandises qui déraille, et donc voilà, côté français, plus de trains n'arrivent là. Donc elle a été laissée. Quasi abandonné. Donc il n'y a plus de train aujourd'hui qui arrive. C'est pour ça ma confusion, en fait. Hein. Faut prendre un car si on veut voir. C'est ça, entre Bedous et Canfranc, c'est un car TER. C'est vraiment une gare fantôme. Côté espagnol, la Renfe y va. D'accord, très bien. Donc on peut quand même y arriver en train, mais faut venir d'Espagne. Est-ce que cette ligne ferroviaire qui a été réouverte est un succès ? Est-ce qu'elle donne des idées dans d'autres régions pour justement, ou est-ce que c'est un cas isolé ? Alors, ça me semble, moi je ne connais pas tout, mais ça me semble, de ce que je connaisse, un cas assez isolé. Ce que je comprends de cette réouverture de ligne, c'est vraiment la région Occitanie voudrait réouvrir l'ensemble du trafic, notamment voilà pour essayer de limiter un petit peu le trafic routier. Là, telle qu'elle existe, elle est quelque part en point de suspension. En fait, entre Bedous et Canfranc, il reste, je crois, une trentaine de kilomètres il faudrait que l'union soit faite. Donc, je pense que la région a réouvert cette petite partie parce qu'ils sollicitent des fonds de l'Union européenne, des fonds nationaux, pour que ça devienne finalement une aberration, qu'il reste que si peu de kilomètres et que ça soit réouvert complètement. Suite de nos aventures ferroviaires, nous allons prendre le train à vapeur dans un instant du côté de la baie de Somme. Well, I feel an urge coming on. C'était Nick Waterhouse sur France Inter, le temps d'un bivouac. Une locomotive à vapeur, 126 ans au compteur, qui reprend du service pour l'hiver. Elle crache sa fumée direction le Far West Picard, la baie de Somme. Et la locomotive est particulièrement ancienne, celle-ci. C'est la grand-mère de la série. Elle date de 1889 et c'est quand même une pièce de musée. Une pièce de musée qui fonctionne. Un trajet de 12 km à travers champs, le train relie Saint-Valéry et Cailleux. Contrôle des billets, s'il vous plaît, messieurs-dames. Vitesse de croisière, 20 km/h. Alors pour cette famille, c'est le temps des vacances à bonne allure. J'aime bien les trains, surtout les trains à vapeur. Qu'est-ce qui te plaît dans les trains à vapeur? Justement, explique-moi. Que ça va pas vite, on a le temps d'observer la nature. Même à l'intérieur et tout, les trains, c'est plus intéressant pour les enfants. Voilà. Un autre rythme, quoi, c'est un rythme qui correspond à celui des vacances. Exactement. On prend notre temps, on prend le temps de vivre et ça fait du bien. Et à l'avant du train, il faut garder le rythme, justement. 150 kilos de charbon par voyage, la vieille dame, parfois capricieuse, doit être confiée à des hommes d'expérience. Depuis 8 ans, Olivier vient spécialement du Havre pour la conduire. Elle a plus de 120 ans, hein, donc c'est quelque chose qui est formidable parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail de la part de tout le monde, hein, pour arriver à sortir, à faire en sorte que cette machine puisse tourner. Et quand on est toujours content, quand on a fait une bonne journée. Une invitation au voyage qui devrait continuer jusqu'à la fin des vacances d'hiver. Extrait d'un reportage diffusé sur France 3 en 2019. Alors ce train à vapeur dans la baie de Somme, vous l'avez pris, Juliette Labaronne, il ressemble à quoi ? Ah bah c'est un vrai petit chouchou, hein, effectivement. Alors pour s'y rendre, on prend un train TER classique, ouais. Et puis c'est vrai que c'est une des rares, voire la seule, l'unique gare en France où il y a une gare d'un service régulier qui connecte avec un train touristique, puisque là c'est un petit train touristique. Mmh. Mais un train touristique qui marche bien, qui fonctionne quand même la majeure partie de l'année. Bon, le creux de l'hiver, je crois que ça, il y a des petites pauses, mais ouais. Globalement ça fonctionne assez bien. Moi j'ai pu le prendre au début de l'été et c'était plein, il y avait du monde. Et alors là vous êtes projeté littéralement dans un autre temps. Et c'est vrai que c'est vraiment chouette de pouvoir, les paysages sont magnifiques en bord de baie. Vous pouvez aller au bord de la mer près des plages, traverser des champs avec du matériel historique. Donc il y a du train à vapeur. Bon là, au côté écologie, on repassera un petit peu. Ah oui, là, oui, on parlait du charbon. Je me disais là, voilà. Parce qu'effectivement, dans votre slow train, vous dites pour le bilan carbone, TER, c'est ouais. Mieux. Là, effectivement, bon. Il y a une petite, voilà. Non, petite non, exception. Là, mais il n'y a pas que des trains à vapeur. Bon, c'est ceux que les gens veulent prendre en priorité. Côté très pittoresque, mais il y a aussi des automotrices des années 50. Finalement, en fait, c'est une association qui salarie des gens. Enfin, qui, voilà, c'est devenu une grosse machine. Localement, les gens sont très très fiers de ça. Ils peuvent l'être, hein, ouais. Parce que c'est vraiment une réussite. Oui, c'est devenu une spécialité locale, ces vieux trains remis au goût du jour. Tout à fait. Ouais. Et alors, c'est assez amusant parce que ça traverse les villages, vous avez les passages à niveau, les cyclistes, les gens, les voitures, tout le monde attend, tout le monde fait coucou au train. Et donc, en fait, ils reprennent des locomotives parfois qui sont classées monuments historiques, je crois. Enfin, en tout cas, qui sont classées, qui viennent de toutes les régions et ils les retapent et ils les font fonctionner. Alors, en plus, l'avantage, vous le dites, c'est d'alterner train et vélo, parce que même dans ce train à vapeur, on peut monter avec son vélo, ce qui permet ensuite de faire des tours à vélo dans cette superbe baie de Somme. Alors, la baie de Somme a une deuxième spécialité après le train, c'est les pistes cyclables. C'est vrai qu'on peut, avec des enfants en bas âge, même si on n'est pas un fou de... C'est tout plat, donc on n'a pas besoin d'avoir une forme ultra affûtée. Tout est bien indiqué et voilà, il y a des sortes de... Toutes les routes sont doublées de pistes. Le train a un petit fourgon dans lequel il faut hisser son vélo. Alors, c'est vrai qu'il faut, voilà, il faut le monter, hein, parce que c'est des trains à l'ancienne. Mmh. Mais c'est vrai que c'est très agréable d'alterner. Et puis, si on a un petit coup de mou, ben, hop, on reprend le train pour rentrer au gîte, par exemple. Voilà, plein d'idées, hein, pour agrémenter ses vacances. On va faire un petit tour en Bretagne. À présent, il existe une petite ligne estivale en Bretagne entre Auray et Quiberon. Elle s'étend sur 27 km et c'est un train qui vous a plu parmi les 30 échappées ferroviaires que vous présentez dans votre livre Slow Train. Alors ce train, on l'appelle le tire-bouchon. Pourquoi ? Oui. Parce qu'il tire les gens des bouchons. Bon, après, il y a peut-être une référence au Muscadet, ça je sais pas. Mais non, c'est un train qui fonctionne les deux mois de l'été. Quand Quiberon au bout, très touristique, énormément de plages, embarcadère pour les îles Watt, Édic, Belle-Île qui sont très courues l'été. Donc voilà, une presqu'île. une route, une départementale unique. Le principe de toutes les presqu'îles, c'est on peut pas construire une route très large. Et du coup, voilà, les voitures qui s'empilent, les gens qui mettent jusqu'à 2 heures pour faire les kilomètres qu'ils feraient, je crois, normalement en 3/4 d'heure. Donc, dans les années 1980, localement, en fait, le département, la région a fait le choix de relancer en fait ce train avec une belle fréquence uniquement l'été. Il était tombé en déshérence, hein, comme la plupart de ces lignes-là dans les années 60 avec l'essor de la voiture individuelle. Mmh. Et ça a été un succès, hein. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu une institution. Beaucoup de gens prennent le TGV, arrivent à Auray par le TGV, vont connecter, vont aller jusqu'à Quiberon et parfois même poursuivre en ferry pour aller un peu plus loin au large. Alors, on l'a dit, hein, il y a quand même certaines de ces lignes qui sont menacées de fermeture, au grand dam des usagers. Il est arrivé ce matin avec à son bord des dizaines de touristes. Tout l'été, les TER de la ligne Nice-Tende transportent tous les jours sur la petite commune de la vallée de la Roya plus de 200 personnes, des retombées économiques importantes pour tous les commerces du village. Pour la restauration et pour les commerçants, ce serait une catastrophe sans le train, puisque c'est le train qui nous amène la plupart de nos clients. Donc je ne sais pas comment le village pourrait survivre sans ce train. Cette année, nous allons fêter les 40 ans de remise en état de cette voie ferrée. Il faut que tout le monde se mette en marche pour sauver cette ligne. Si ça venait à disparaître, j'espère qu'ils mettraient des bus de substitution. Sinon, comment on ferait pour se déplacer? Et c'est même vital. Parce que là, si on retire le train, toute la vallée est morte. Le train donc qui passe par Tende, alors l'une des lignes les plus belles que vous ayez empruntées, hein, vous, ça s'appelle le train des merveilles, et ce train est menacé de fermeture. Alors beaucoup de ces trains sont menacés de fermeture. En fin de compte, personne va dire on va fermer. Mais ce qui se passe, c'est que ces voies, notamment en montagne, nécessitent des entretiens réguliers. Depuis des décennies, on le sait, il y a eu un petit laisser-aller. Voilà, on n'a pas vraiment investi sur l'avenir. On a tapé un peu dans le capital. Ça a tenu très longtemps, mais aujourd'hui, c'est des millions, c'est des milliards, c'est beaucoup d'argent. Et voilà, au niveau local, c'est parfois difficile de dégager ces sommes. Après, c'est très compliqué parce que c'est aussi des territoires qui sont façonnés par le ferroviaire, qui ont souvent une histoire liée à lui. C'est des déplacements, et voilà, que le train ferme, comme on l'entend dans le reportage qu'on vient d'écouter, c'est synonyme quand même de grosses difficultés pour la population locale. Et alors de Nice à Tende, ce train des merveilles téléporte ses passagers dans l'arrière-pays. Là aussi, on va peut-être faire un coup de pub à ce train si il doit fermer. Il y a des très beaux paysages à voir, des merveilles à visiter. Donnez-nous envie de prendre ce train. Alors, c'est une ligne absolument exceptionnelle. Elle part du niveau de la mer, Nice, capitale de la Riviera. Donc voilà, je crois qu'au niveau touristique, c'est difficile de faire mieux. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'elle va vous proposer de vous sortir du monde, une fois de plus. Vous êtes dans la foule de Nice et vous allez hisser dans les hauteurs à 800 mètres d'altitude, à Tende, sur la frontière italienne, en passant par différentes vallées, dont la vallée de la Roya, avec des villages provençaux, médiévaux, qui sont perchés sur des pitons rocheux qu'on voit depuis les fenêtres du train. D'ailleurs, il fait de multiples arrêts. Rien ne vous empêche de randonner pour vous visiter ces abbayes, ces villages perchés qui sont sublimes. De l'agriculture, une végétation magnifique, des clochers vernissés typiques de la Provence. Vous arrivez à Tende, un petit vent frais vous attend. S'il fait très chaud en bas, c'est parfait. Idéal pour randonner. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un GR. Il y en a plein qui traversent la région. Tende est au pied du Mercantour. Moi, je me suis pas lancée dans une telle expédition, ce que je compte faire dès que je le pourrai. Ouais. Mais j'ai plus modestement randonné à la journée, seule, entre Tende et la Brigue. Et là, j'ai croisé que des bergers, des ruches et des perspectives extraordinaires sur les Alpes à perte de vue. Quand il y a une belle visibilité l'été, vous pouvez voir la chaîne alpine qui part de là. On est quand même dans un pays, il faut le rappeler, le plus visité au monde, et parfois savoir regarder un petit peu plus proche de chez soi, en tout cas à l'intérieur de ses frontières, ça fait du bien, on s'aperçoit qu'on n'est pas si mal loti. Ouais. Et pour continuer de nous donner envie, à la rubrique Buffet de la gare, qu'est-ce qu'on mange si on emprunte cette ligne? Alors, c'est la Provence. En plus, là, c'est vrai que ce qui est assez intéressant quand vous êtes à Tende, c'est que vous êtes donc sur la frontière italienne. D'ailleurs, le train peut poursuivre vers l'Italie. Vous avez un melting pot pas possible, puisqu'il y a, vous allez avoir, tout ce qui est montagne, donc les tomes de brebis, le miel, l'huile d'olive, bien sûr. Mais après, vous allez avoir des influences italiennes. Notamment, vous allez trouver en boulangerie des graissins, des fougasses, et puis tout un tas de friandises au nom. Que je ne connaissais pas, donc je vais peut-être mal les prononcer, désolée. Des beignets sucrés qu'on appelle gans, et puis des crescenta qui sont comme des brioches au sucre, et des picorées qui sont aux raisins secs. On trouve ça en fait dans les villages quand on marche, et c'est bien d'en faire provision pour pouvoir grignoter ça en admirant le paysage. Voilà, alors vous conseillez des choses à grignoter, vous conseillez même parfois, en tout cas pour l'une de ces lignes, des choses à écouter. Écoutez cette musique. Monsieur le chef de gare de la tour de Carole, vous étiez très pâle à 7h du matin, vous aviez les paupières froissées, et ça n'avait d'importance pour personne au monde. Moi, j'étais descendue 4 stations avant, et je ne vous verrai jamais. Je veux vous dire de faire bien attention en traversant la voie. Brigitte Fontaine, visiblement bercée par le train, c'est pour quelle ligne Alors, elle fait référence à la gare de la Tour de Carole, ouais. Qui est l'un des terminus de la ligne dite du train jaune, qui est dans les Pyrénées orientales et qui monte à l'assaut des plateaux de Cerdagne. Alors, on l'a compris, hein, c'est vraiment une nouvelle façon de voyager, et puis aussi une idée de peut-être voyager en alternative aux techniques, aux avions, aux voitures plus polluantes. Il y a aussi ça, il y a ce message aussi derrière votre livre. Alors c'est vrai que quand j'ai eu cette idée, elle me semblait alternative. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé là dans les médias récemment du poids de l'avion dans la balance carbone mondiale. Inconsciemment, je le savais un petit peu, mais c'est vrai que c'est en préparant ce livre que je me suis renseignée, que j'ai commencé à voir les premières études. Et là, ça m'a vraiment donné envie d'aller au bout de cette démarche de faire le livre pour proposer une alternative touristique qui soit plus écologique, effectivement. Alors, autant dans le mode de transport et donc le bilan carbone que l'on a, parce que faire plein de petits gestes toute l'année, c'est bien, mais moi, je suis pas contre le fait de prendre l'avion de temps en temps, mais le prendre à bon escient. Quand on a 3 jours, peut-être que c'est plus logique, finalement, d'aller plus proche de chez soi plutôt que de prendre un avion très vite. Mais il y a aussi l'idée de voyager autrement avec des chemins moins courus, un tourisme moins formaté, moins préemballé, aller voir des gens qui ont moins l'habitude d'être rencontrés touristiquement, et vous verrez, ils sont très accueillants. Merci Juliette Labaronne, je rappelle le titre de votre livre Slow Train, 30 échappées ferroviaires pour citadins en mal de nature, c'est aux éditions Artaud. Merci à vous. Dans un instant, Pierre Josse, le rédacteur en chef du Guide du Routard, nous emmène dans une nouvelle aventure au Brésil. Qu'est-ce qui nous arrive? C'était Nadia Nelson Beer dans le temps d'un bivouac sur France Inter et la programmation musicale de l'émission est signée Thierry Dupin. À 17h53, il est temps de retrouver notre routard du mardi soir. Quand c'est pas le bateau, c'est l'avion, toujours les valises. Sur France Inter. Un jour à Bornéo, un jour à Shanghai, un baiser de Russie, un banco à Bangkok. Le temps d'un bivouac. Mais je vous dis qu'il nous aura tout fait, tout. Bonjour Pierre Joss. Bonjour Daniel. Vous êtes rédacteur en chef du Guide du Routard et aujourd'hui on parle du Brésil et plus particulièrement du camboulé. De quoi s'agit-il? Pas le camboulé, le candomblé. Le camb, bah voilà, le ça camp montre que je ne sais absolument pas de quoi il s'agit. Ah bah, au moins j'ai pas un problème d'identité aujourd'hui. Eh bah écoutez, cher Daniel, c'est la plus grande religion brésilienne inventée par les esclaves venus d'Afrique, notamment du Bénin, du Nigeria, l'Angola. Ils étaient animistes, bien sûr, fondant leur croyance sur les forces de la nature, personnifiées par des dieux. Alors il y avait l'eau, le tonnerre, le feu, la forêt, la foudre, et ils les appelaient les orichas. Et ces dieux possèdent des couleurs, des rituels, des nourritures, des vêtements distinctifs. Ils sont invoqués dans des cérémonies spécifiques où la musique, les chants, les transes prennent une énorme importance. Et tout du long de la traite des Noirs, l'Église catholique les a opprimés. Elle a tout fait pour détruire ses croyances africaines et imposer de force le catholicisme. Et obligés de se soumettre, mais très malins, les esclaves cachèrent leurs dieux derrière les saints catholiques du calendrier, prirent dans le catholicisme tout ce qui leur était favorable et continuèrent à pratiquer leurs ancestrales croyances de façon secrète. Jésus devient Oshala. Yemanja, c'est la déesse de la mer qui est assimilée à Notre-Dame. Xango, c'est le dieu du feu, donc à Saint-Jean-Baptiste, etc., etc. Mais l'Église catholique n'a pas réagi à ça. Elle a réagi, elle a tenté de réprimer, mais les esclaves jouèrent le jeu. Mais dans les messes, les curés n'y virent que du feu. Et progressivement, le candomblé s'imposa massivement, introduisant en douce, en loose-dé, ses petits rituels. Puis il s'autonomisa. Et en parallèle, créant ses propres structures et ses propres cérémonies, plusieurs millions d'adeptes aujourd'hui au Brésil. C'est à elle que je convie les auditeurs à rendre visite. Les babalao ou les pai de santo, les prêtres du candomblé, sont en général très accueillants. Il suffit de se présenter humblement, poliment dans leur terreiro, c'est le nom de leur paroisse, généralement un hangar, un entrepôt, rarement une église. Et ces cérémonies sont souvent annoncées dans la presse de Salvador et de Recife, qui sont les deux bastions du candomblé, sous le nom de toqué. Et alors quel est l'intérêt de ces cérémonies, Pierre? Ah, comme tous les autres cultes et religions, comme le vaudou haïtien, la santeria cubaine, qui lui sont proches d'ailleurs, mais aussi les rites et chants orthodoxes, les cérémonies hindouistes, soufis, juives, le gospel des églises noires américaines, c'est tenter de comprendre le rapport social et culturel que les gens entretiennent avec leur religion. C'est aussi, si vous êtes sensible, se laisser pénétrer par la profonde spiritualité qui s'en dégage et anime les fidèles. Plus, dans le cas du candomblé, la place de la musique, incroyablement envoûtante, à travers les tambours, appelés à tabaquer, plus les chants, les cris, les odeurs, le jeu des couleurs, les parfums et les fidèles qui rentrent en transe. C'est beaucoup plus qu'un spectacle. C'est une communion qui entraîne le plus cartésien des visiteurs. Moi-même, j'ai été sollicité fermement par un orisha pour entrer au cœur de la cérémonie, bref, au bord de la transe. Mais j'ai résisté. Mais certaines de mes certitudes se sont effondrées et je m'en suis toujours pas remis. Les fidèles sont-ils uniquement afro-brésiliens, Pierre? Alors, dans des quartiers à majorité afro-brésilienne, bien sûr. Mais au fil de son histoire, il a gagné de nombreux blancs des classes moyennes et supérieures. Ainsi, une variante du candomblé à Rio et Sao Paulo, appelée Umbanda, se pratique souvent en appartement et réunit une grande part de blancs. Et c'est là une grande victoire de la culture afro-brésilienne, après être à l'origine de la samba, de la bossa nova, de pans entiers de la littérature et de la cuisine, d'avoir gagné les blancs. Le seul problème, c'est que le candomblé est menacé depuis quelques années. Menacé par qui? Eh oui. Depuis une vingtaine d'années, les églises pentecôtistes et évangéliques, vous savez, celles qui croient que le monde s'est créé en 7 jours et qui crachent sur Darwin, dont l'église universelle du royaume de Dieu, qui est la plus grande au Brésil, ils veulent devenir hégémoniques. Et pour cela, liquider nécessairement le candomblé. Elle mène une violente campagne de dénigrement contre lui, considéré comme un culte débile et primitif. Et ces derniers temps, discours racistes, menaces de mort contre les pailles de Santo, jets de pierre contre leur maison, terreros attaqués se sont multipliés. Et encore plus depuis l'élection de Bolsonaro, qui s'est d'ailleurs appuyé sur la très réactionnaire Église universelle du Royaume de Dieu pour conquérir le pouvoir. C'est gravissime. Le vieil anard, l'agnostique, le bouffeur de curé que je suis, en est presque à proposer une campagne d'opinion internationale pour protéger le camp d'Onglet. Bon, le message est passé, mais que ça ne décourage pas les auditeurs de le découvrir. Merci Pierre Georges de nous avoir fait découvrir ce camp d'Onglet, je le prononce bien à présent. Merci beaucoup, je rappelle le titre de votre dernier livre, Chronique vagabonde, une coédition, Hachette le Routard. Merci beaucoup Pierre Georges et à la semaine prochaine. À la prochaine. Debout, vite. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu fais tes valises et tu fonces à la gare. Demain, nous verrons où en est le chantier de Guédelon, où l'on construit un château fort selon les techniques et avec les matériaux du Moyen-Âge. Et à 17h, nous reviendrons sur la mythique expédition de la boussole et de l'astrolabe emmenée par le comte de Lapérouse. À demain donc pour de nouvelles aventures. Et puis après le journal, vous avez rendez-vous avec Anna Sigalevitch pour un nouveau mag de l'été. Merci à Johanna Gabric et Mathias Aléon qui étaient à la technique. Vous écoutez France Inter.